Les centaures, première partie, 2. Porteurs de la mort, les centaures se précipitent. À peine quelques secondes, l'un ou l'autre s'arrête pour déraciner un jeune arbre. En hâte, il rejoint ses frères et, tout en courant, dépouille le tronc de ses rameaux et le façonne en massue. Sous un fourré d'ajonc, Haïdar s'est rappelé la carcasse d'un mastodonte. Il s'écarte, fouille parmi les os et revient en brandissant un fémur, arme terrible que plusieurs lui envient. Le galop de Colpitrus est alourdi. Dans ses mains, il porte un quartier de roc capable d'un seul coup de fracasser la cuirasse d'un rhinocéros. Mais Arc le rude dédaigne tout secours. Avec un grand rire, il étend ses bras durcis, développe sa poitrine bombée. La puissance de ses muscles est la seule arme où il se confie. Le sol s'enfuit sous les sabots. Encore une dune à franchir, et c'est la plage qu'a dite Gurgundo. À la voix de Clévorac, les centaures se rangent en bataille. Malgré son âge, le chef est au premier rang avec Arc, Colpitru, Papacal, Caplam, Haïdar, les plus vigoureux du peuple aux 6 membres. Derrière eux viennent les autres mâles adultes, puis ceux dont la vieillesse alourdit les membres ou qui n'ont point encore atteint toute leur force. Les femelles les suivent sous la garde de Trègles gris, de Pocolo et de Palcaval. Les naseaux des plus jeunes frémissent et un frisson rit de leurs flancs. Depuis la défaite des lions, les centaures n'ont plus livré de bataille, tant leur domination est incontestée. Et Cadilda, quand sa nation prit possession des grottes rouges, n'était qu'une centauresse de 4 ans. Aussi, tandis que les vieilles grincent des dents et que dans leur poitrine maigre tressaille le cœur belliqueux de leur race, elles s'effarent du combat, appréhendent l'odeur affreuse du sang, souhaite obscurément que la nuit prochaine dérobe les meurtriers à la vengeance qui les poursuit. Haïdar jette un cri et, du doigt, montre quelque chose à terre. Les centaures s'arrêtent, s'inclinent, flairent et discutent. Dans le sable se moulent distinctes 2 vastes empreintes griffues. Le sabot entier de Colpitru disparaît dans la moindre. Un coup d'œil suffit à Clévorac pour reconnaître la tribu de l'ennemi. Gurgundo n'a pas menti. À la piste, les centaures suivent le couple des ours géants, franchissent sur leurs traces la dernière dune, descendent avec elle vers la plage des galets. Les feuillages des pins ne barrent plus la vue. Les vengeurs s'avancent à découvert. Peut-être en faisant un détour à gauche, en restant masqué par le bois, il surprendrait les demi. Mais le peuple aussi membre méprise la ruse. Il ne daigne attaquer qu'en face. Les yeux fouillent l'ombre qui descend. Un long sifflement arrête le claquement des sabots. Le murmure de toute la horde répond à l'avertissement de Clévorac. Ils ont vu, leurs cœurs sont prêts. À quelques foulées en avant, 2 formes colossales se dessinent sur la plage. À leurs pieds, on devine d'affreux débris informes. Les ours géants se sont endormis auprès de leurs victimes. L'approche des vengeurs les a réveillés. Ils ne songent pas à fuir. Ils s'accroupissent, balancent leurs têtes énormes, la gueule ouverte, les pattes monstrueuses dressées, et un grondement de menace s'échappe de leurs flancs. Peut-être ils ignorent leur adversaire et s'imaginent l'intimider. La voix de Clévorac troue le silence. Au meurtrier, il annonce la mort. Telle est la loi des centaures. Et la clameur de son peuple répète en tonnerre la formule inflexible qui imposa la paix sur la terre. Périssent ceux qui ont tué. À ce moment, peut-être, les bêtes farouches dans leur âme obscure mesurent le danger et souhaiteraient fuir. Il est trop tard. Ah ah ! Clévorac a jeté le cri. Comme une avalanche descend de la montagne, la horde se rue à la bataille. Une seule âme vibre dans les poitrines profondes, dans les bras noueux, dans les jarrets indomptés. La trombe qui déracine les chaînes est moins irrésistible que l'élan du peuple roi. Contre lui, ni la masse du mammouth, ni la cuirasse du grand lézard ne les protégeraient. Hurlante, hérissée de poings, de gourdins et de massues, la vague des centaures déferle sur les brutes. Il y a un craquement pareil à celui d'un arbre foudroyé, des cris confus, des soubresauts épouvantables. Les mâchoires des ours s'agitent convulsivement. Leurs pattes lourdes s'érigent, s'abaissent, frappent au hasard. En vain. Du premier choc, le plus faible a roulé à terre et pitoyablement se débat sous les sabots qui le broient. Ses râles s'affaiblissent et s'éteignent. L'autre se défend mieux. Cramponné au sol de toute l'énergie de ses griffes, il a soutenu le heurt des poitrines. Puis, brusquement redressé, il s'est laissé retomber de tout son poids sur Papacal, trop lent à se dégager. Mais, prompt comme l'éclair, Arc le Rude lui saute à la gorge et l'étrangle de ses bras durs, tandis que Haïdar, Clévorac, Sacarbatule, Kaplam se suspendent à ses membres en paralysant la vigueur. Et, de toute sa force, dans des détentes furieuses, Colpitru à plusieurs reprises frappe le crâne brun de sa massue de pierre qui devient rouge. Sous les coups, le monstre fléchit, chancelle. Dans un effort, il se soulève encore une fois, se débarrasse de l'étreinte de Arc. Mais il retombe avec un horrible hurlement. La vieille Babidame s'est glissée par derrière. D'un geste précis, elle a enfoncé dans son œil un grès pointu. Le sang noir ruisselle. Aveuglé, l'ours hésite une seconde. C'est sa défaite. Une dernière fois, Colpitru abat sur son front le quartier de roc. L'eau s'éclate. Avec une plainte, le monstre s'affaisse. Une ruade de Haïdar lui fracasse la mâchoire. La horde pousse des cris de triomphe, escalade la masse pantelante, piétine les membres qui se tordent, s'écrase et puis demeure inerte sur le sable. Dans le ciel quaternaire, le soleil s'est effondré. La nuit descend sur la terre. Seulement, au-dessus de la contrée lointaine, par-delà la mer violette, d'extraordinaires bandes rouges enflamment encore l'horizon, projettent des reflets sanglants. De la rivière hérissée de têtes, des glapissements d'allégresse célèbrent la victoire. Avec des clameurs pareilles aux clapotis des vagues, les tritons se bousculent à l'envi. Rampant, se redressant, frétillant, s'aidant des mains et des nageoires, essoufflés et grotesques, ils se traînent sur la grève pour saluer les vengeurs de Néboum et narguer la force abattue de ses meurtriers. Les corps des ours gisent dans des mares sombres que le sable boit lentement. Malgré la puanteur du sang, les sirènes manient curieusement leurs pattes pesantes, retroussent les lèvres molles et se montrent avec des claquements de langue effarés la longueur des crocs jaunâtres. Épars au bord de la rivière, les centaures, l'ivresse du combat dissipée, étanchent leur sueur et s'interrogent. La victoire a été chère. D'un coup de griffe, Arc le Rude a eu l'épaule ouverte jusqu'au milieu du dos. La cuisse arrière gauche de Palcaval est cruellement déchirée. Il boitera bas plusieurs jours. Immobile dans la rivière, Colpitru regarde le sang couler goutte à goutte de ses flancs labourés et se dissiper dans l'eau en nuages troubles. Mais il rit, fier de son exploit. Beaucoup d'autres ont gardé l'empreinte des dents et des griffes. Plusieurs ont été grièvement touchés par les sabots mêmes de leurs frères. Écœuré de l'odeur âcre du meurtre, ils lavent soigneusement leurs membres. La marée montante a salé l'eau de la rivière. Sa brûlure salutaire cautérise les plaies. Mais, non loin des restes de Neboum et des cadavres gigantesques, un autre corps est resté étendu. C'est celui de Papakal, le joyeux. Dans l'attaque, il perdit l'équilibre. D'un seul coup, la patte de l'ours géant lui a brisé les reins. Couché sur le flanc, il halète affreusement. Ses mains fouillent le sable. Il serre les dents pour ne pas crier. Autour de lui, les vieilles s'empressent en geignant. Elles remplissent des coquilles à la rivière et lavent doucement les blessures. Sur la plus profonde, Siada, experte, pose ses lèvres et, tour à tour, elle suce le sang et le crache pour conjurer le mauvais esprit. Les yeux de Papakal s'entr'ouvrent. Un murmure reconnaissant sort de sa bouche desséchée. Cadilda s'est agenouillée à côté de lui. Elle soulève la tête hirsute, l'appuie sur un de ses bras blancs et approche de la bouche du blessé une écaille pleine d'eau douce qu'elle est allée remplir à une source. Papakal boit à longues gorgées. Puis, avec un soupir de soulagement, il se laisse aller de nouveau sur le sable. Mais sa dextre fiévreuse retient celle de la centauresse qui n'ose repousser son étreinte et demeure accroupie près de lui. La voix de Clévorac retentit. « Et quoi, Papakal, as-tu pris la bête farouche pour une centauresse, qu'ainsi tu te sois jeté dans ses bras ?» Papakal desserre ses paupières lourdes et tâche de rire. Mais une grimace de souffrance plisse ses joues. Le visage du chef se fait grave. Il porte ses mains sur les flancs du blessé et les palpe. Sous les gros doigts, les membres de Papakal grelottent et, malgré son courage, des gémissements déchirent sa gorge. D'un regard, Clévorac interroge les anciennes. Elles comprennent sa question muette. Et, avec des soupirs, leur menton s'incline sur leurs seins maigres. Alors le chef se lève et jette un cri d'appel. Autour de leurs frères terrassés, les centaures se pressent silencieux. Et la voix solennelle du vieux prononce l'arrêt. Papakal, le peuple aussi membre ne craint rien de ce qui vit. Mais la mort est plus puissante que les centaures. « Prépare-toi, Papakal, à rendre au soleil la force que tu as reçue de tes ancêtres. » Papakal cligne des paupières. Il a compris. Sur le rivage, les tritons soufflent dans leurs conques d'où ils tirent des sons mélancoliques. L'air est immobile. La nuit s'est faite. Les vols soyeux des chauves-souris s'entrecroisent. Clévorac interroge. « Quel est ton vœu ?» Avec un grand effort, Papakal prononce « Donne-moi les 3 jours. » Un murmure d'étonnement passe. « Quoi ? Plutôt 3 jours de souffrance que tout de suite le grand repos ?» Mais la loi est formelle. Papakal a usé de son droit. Les 3 jours te seront comptés à partir du soleil de demain. Et, sur un signe du chef, Arc, Colpitru et 2 autres appréhendent le corps du vaincu, le placent sur leur dos et se mettent en marche. À cause de leur charge, la route sera longue. Mais Gurgundo, doublant le cap à toute vitesse, annoncera le premier la victoire aux frères des Roches Rouges. Avant que les derniers centaures aient quitté la plage, des yeux luisants s'allument de toutes parts. Et, avec des grognements de joie, des ombres voraces s'abattent sur les cadavres. Aujourd'hui, les mangeurs de chair doivent un festin à la justice du peuple roi. Au matin, les os des morts seront nettoyés. Sous le dôme noir des pins, les centaures cheminent lentement à cause de la nuit tombée et du corps pesant de Papakal. Malgré leurs précautions, ils ne peuvent éviter toute secousse et ils le heurtent parfois contre une branche. Alors un gémissement s'échappe de ses lèvres et il serre plus fort la main de Cadilda qu'il retient dans la sienne. Compatissante, la centauresse lui rend une pression amicale. Sa pitié est grande de voir ainsi d'un seul coup la force de Papaka l'anéantie. Elle a oublié les importunités et les railleries du mal. La terreur de la mort prochaine obsède son esprit. Et elle s'étonne que dans la nuit s'élèvent de nouveau les rires de ses frères et que les vieilles aient repris leur rabâchage. Un instant, les porteurs s'arrêtent pour souffler. Alors la Vierge Blanche sent la main moite de Papakal qui l'attire. Elle obéit à son geste, approche l'oreille de sa bouche et elle recueille ses mots entrecoupés. Cadilda, c'est pour revoir encore ton visage que pendant 3 jours Papakal va souffrir. Mais l'effort a été trop grand. Les doigts du centaure glissent, laissent échapper ceux de la Vierge et retombent. Il a perdu connaissance. Ses râles ne monteront plus dans la paix du soir. À l'Orient, la lune s'est levée toute ronde. Le bois s'illumine. Les troncs allongent sur le sol une ombre dure. Les feuillages des pins s'éclairent. La verdure pâle des oliviers étincelle. Les centaures hâtent le pas. La dernière dune est franchie. La brise du large fouette les torses échauffés. Sous les rayons lunaires, les vagues paresseuses se frangent d'écume. À 2 portées de voix, reluit la masse protectrice des roches rouges. Là-bas, de l'autre côté de la mer, la montagne fumante est couronnée de lueurs pourpres. À peine les centaures ont franchi la lisière du bois, des cris d'appel les saluent et, sur le sable, caracolent à leur rencontre les silhouettes de leurs frères. Gurgundo a porté la nouvelle. À l'envi, Krebs, Péric, Klopp, Ada interrogent les vainqueurs, examinent leurs plaies, se font raconter les épisodes du combat. Un grand brouhaha de voix se propage. Chacun glorifie bruyamment ses exploits. Un amer regret mord le cœur de ceux qui manquèrent la bataille. À l'intérieur des grottes, le corps de Papakal est déchargé. Et, tandis que les vieilles disposent sous ses membres des oreillers de mousse et de varech, l'entretien s'échauffe parmi les mâles éparpillés sur le sable. La lutte et l'odeur du sang ont aiguisé leur humeur belliqueuse. Comme Colpitrus attribue le mérite de la victoire, Arc ricane dédaigneusement. Menaçant, les deux géants se dressent l'un contre l'autre. Dans leurs âmes rivales revit la fureur antique qui, jadis, par toute la terre, mit aux prises les tribus jalouses des centaures. La voix tonnante de Clévorac les arrête. Ils n'osent enfreindre l'ordre du chef et se séparent avec des grincements de dents. Mais, accroupis sur le sable à quelques pas l'un de l'autre, ils échangent des regards haineux et se provoquent encore du geste. Clévorac, c'est le moyen de calmer les esprits surexcités, de réunir les cœurs dans un seul orgueil. Sa voix commande de nouveau. « Que Pitina nous chante le chant de la race !» Sur le sable, les centaures se forment en cercle, et voici que se lève Pitina, l'ancienne. Nul ne pourrait compter combien de saisons pluvieuses lavèrent le poil déteint de son dos maigre. Si loin que remonte la mémoire des chefs, Pitina était vieille. Elle a connu les ancêtres, elle sait les choses d'autrefois, les récits qu'on se transmet d'âge en âge. Bien que depuis bien des années, elle ait succombé aux épreuves décisives du saut, du galop et de la lutte, nul ne réclamerait contre elle l'exécution de la loi. Comme ses membres tremblants ne sauraient l'emmener loin des grottes, ce sont les jeunes qui lui apportent chaque jour les fruits et les racines nourricières. Et ceux-là sont fiers dont elle grignote le présent d'une dent noirâtre. Donc, Pitina, l'ancienne, se lève, sous la clarté blême qui fait reluire ses cheveux argentés, accuse ses cuisses décharnées, ses côtes saillantes et la maigreur sinistre de son torse. Elle tient dans ses mains un coquillage, présent magique des tritons. Quand elle y souffle, ronfle une voix plus puissante que celle de Clévorac. Pitina enfle sa poitrine, porte le buccin à ses lèvres. À trois reprises, un long gissement domine le chuchotis des flots. Tandis qu'accroupis, les centaures lèchent leurs blessures en silence, d'avance leur cœur tressaille. Et tour à tour grêle, aigu, sonore, formidable, le chant de Pitina monte aux étoiles. Et d'abord, elle dit comment le soleil divin mit au monde la forte race des centaures et leur fit présent de la terre afin qu'ils y régnassent en maître, en fissent disparaître la violence sanguinaire. Avant que le peuple aux six membres fût sorti de l'Orient, berceau mystérieux, le meurtre désolait les forêts et les plaines. L'angoisse était la loi de l'animalité gémissante. Les centaures ont remis en mémoire aux bêtes leur fraternité qu'elles avaient oubliée. La justice menaçante du peuple roi a interdit aux mangeurs de chair de tuer. Ils n'ont droit que sur les cadavres et sur ceux que la vie rejette elle-même en les accablant sous la vieillesse et la maladie. C'est ainsi que, parmi les bêtes, celles du moins dont les nouveau-nés se nourrissent aux mamelles de leur mère, la fraternité est rétablie. Elles ne forment plus qu'une seule famille dont les chefs sont les centaures, fils du soleil. Unis aux faunes, fils de la terre, et aux tritons, fils de l'océan, ils forment la triple race des animaux nobles, les trois tribus, sœurs et souveraines. Sans doute cette paix ne s'est point établie aisément, et plus d'une fois elle a été troublée. Souvent, la férocité des mangeurs de chair s'est révoltée, et ce n'est que par de terribles exemples que les centaures leur ont imposé la loi. Jamais les bêtes farouches n'ont reconnu leur empire, il a fallu les exterminer. Entre les peuplades aussi membres elles-mêmes, il y a eu des luttes fratricides pour la domination, et le sang a coulé à flots et les prairies ont été couvertes de cadavres. Mais que deviendraient les mangeurs de chair si toute pâture leur était refusée? Pour faire les cœurs robustes et les membres durs, une paix oisive est inefficace. La loi nouvelle n'exclut pas toute guerre. Mais elle interdit l'égorgement sournois et inutile. Elle supprime l'angoisse qui torture les faibles, les appétits destructeurs et immodérés, l'insécurité de tous. À l'âge du meurtre impitoyable, elle a substitué celui de la paix générale, interrompu seulement par des combats sans traîtrise dont la prééminence est l'enjeu. Tel est le bienfait des centaures. Pitina s'arrête pour reprendre haleine. Un murmure approbateur circule sur la plage blanche. Et ce ne sont pas seulement ceux de sa tribu qui la remercient. À l'appel de la conque magique, le peuple aux membres gluants et à la croupe écailleuse est peu à peu sorti de l'onde et, rampant sur le sable, s'est approché de la chanteuse. Et des bois où la nuit il se joue sous les rayons fantastiques de la lune, les capripèdes aussi ont surgi, et doucement sont venus s'asseoir à côté de leurs frères. Ainsi fraternisent les trois tribus, et tous admirent la voix puissante de la vieille, sa mémoire incroyable, sa science des mots et des faits, et ils se réjouissent en une seule âme de la gloire commune de leur race. Et la vieille se lève de nouveau, et sa voix s'enfle du deuxième chant. Ayant dit l'origine des centaures et la grandeur de la tâche assignée, elle dit aussi quel fut leur destin. Jadis, aux temps immémoriaux, les innombrables tribus des animaux nobles vivaient rassemblées dans les contrées lointaines de l'Orient, d'où, chaque matin, le soleil prend son vol à travers le ciel. Là, d'immenses prairies offraient aux centaures en abondance le reki, la fougère à racines comestibles, la plante mystérieuse qui, en toute saison, entretient leur vigueur et qu'aucune nourriture ne peut remplacer. Mais voici que ceci est arrivé. Des montagnes qui environnent le berceau du soleil, d'affreuses masses de neige sont descendues, ont englouti toute vie sous leur masse. La bise mortelle et la glace ont flétri les arbustes porteurs de fruits, les herbes comestibles et les champs florissants de reki. Alors, chassé par le froid, le peuple aux six membres a délaissé les déserts gelés. Et, suivant le soleil dans sa course, il a retrouvé sous d'autres cieux la splendeur des feuillages verts, la chaleur réconfortante et la racine indispensable. Trottinant derrière eux à travers les plaines et les montagnes, les faunes ont suivi leurs frères aînés. Avec eux, les tritons ont descendu les fleuves. Et c'est ainsi que, par étapes successives, les animaux nobles, si loin que remonte le souvenir, ont eu cette destinée. À travers la terre, d'âge en âge, ils ont porté avec eux sous des cieux divers leur règne pacifique. Partout leur présence a été le signal de la fraternité des bêtes, a coïncidé avec la splendeur chaude des saisons. Et partout, quand ils ont disparu, ça a été derrière eux le règne sinistre de la violence et du froid. Pitina se tait. Rappelés au souvenir de leur antique amitié, faunes, tritons et centaures se rapprochent les uns des autres. Sous le pâle rayonnement des cieux, autour de la maigre chanteuse, c'est une étrange confusion de torses rigides, de croupes rebondies, de dos écailleux, de toisons pareils à celles des boucs. À l'évocation de Pitina, les âmes simples s'emplissent de la majesté du passé, et peut-être obscurément s'effarent des mystères possibles de l'avenir. Et tous ont besoin que leurs flancs se touchent, que leur respiration se mêle et qu'ils ressentent leur force commune. Mais, parce qu'ils devinent quelles seront les dernières paroles de la vieille, déjà un seul frisson parcourt leurs membres, et ils se serrent davantage les uns contre les autres, silencieux. Pitina chante. Lorsqu'à la suite du soleil, poursuivant la plante nourricière frileuse, les centaures ont quitté les régions envahies par le froid, derrière eux ce n'est pas seulement le règne du gel, c'est aussi celui du meurtre et de la violence. Pourquoi ? Est-ce donc qu'aussitôt les dominateurs disparus, toutes les tribus des bêtes sentent revivre leur férocité qu'elles avaient oubliée? Non. Les mangeurs de chair eux-mêmes subissent le bienfait de la loi imposée et ont perdu la soif de tuer. Mais les forêts abritent des hôtes plus funestes que les bêtes farouches, que la nature semble rejeter ou que les carnassiers capables de se plier aux joug pacifiques des dominateurs. Partout où les centaures ont établi leur empire, ils ont dû chasser devant eux la race immonde des écorchés. Dans toutes les régions qu'ils ont abandonnées, on raconte que les écorchés sont revenus sur leurs traces. Entre les trois tribus, la nature a marqué des différences. Les centaures sont les premiers à cause de leur force incomparable. Seuls parmi les vivants, ils possèdent 6 membres. Les faunes se distinguent par leur bas-corps poilu et leurs pieds pareils à ceux des boucs. Les tritons vivent dans les ondes et ont une queue munie de nageoires. Mais tous se ressemblent par la face, le torse et les bras, et surtout par l'esprit qui est en eux et les rend capables de penser et d'agir ensemble. Des animaux rois, l'écorché lui aussi a le haut corps. Mais la couleur livide de sa face la faiblesse de son torse, la maigreur de ses bras soient pitoyables. Un sang si pauvre coule dans ses veines qu'il n'a pu ni couvrir d'une fourrure, ni fortifier d'un cuir protecteur sa peau fragile, pareille à celle d'une bête écorchée. En bas, son corps se termine hideusement par les membres grotesques de Ful, le macaque, dont même il ne possède point la queue souple. Nu, faible, lent à la course, inhabile à grimper, l'écorché a des mœurs plus répugnantes que son aspect. Avec lui, nul traité n'est sûr. La parole qu'il jure aujourd'hui, l'écorché demain la viole. Sa voracité est insatiable. Indistinctement, comme Crouon le sanglier, il se gorge de tous les fruits et de toutes les racines. Mais sa passion est le sang. Bien qu'il soit lâche, l'écorché tue pour le plaisir de tuer. Il dévore les chairs palpitantes et, rassasié, tue encore. Sa joie est d'abriter ses membres nus sous les peaux arrachées à ses victimes. Ainsi peut-il braver l'effroi mortel. Égoïste et imbécile, il enfouit ses morts, frustrant les mangeurs de chair de leur dû. La douleur lui arrache des cris aigus et fait ruisseler de ses yeux une eau impure. Sa lubricité est incroyable. En toute saison, il se rue à l'amour. Et de là vient que sa race pullule. Son esprit est rebelle à la douceur comme aux menaces. Hébété, il vit isolé par la nature elle-même du reste des vivants. Pourtant, sa malice est incroyable. Il a des sortilèges obscurs, d'étranges ruses, des pratiques incompréhensibles. La loi des animaux rois est inexorable. Il est permis d'épargner les bêtes farouches elles-mêmes quand elles demeurent inoffensives et restent dans leur repère. Mais entre le maudit et les portes mamelles, point d'alliance possible. L'écorché a deux frères, le froid et la mort. Où sont les centaures, sa place n'est point. Lui-même s'est exclu de la paix générale. Et, dans un effort suprême, la voix de Pitina entonne, fatidique, le chant séculaire du peuple aux six membres. De tout ce qui vit, centaures sont les premiers, faunes et tritons leurs frères. À eux le soleil, la terre et l'onde. Par eux, joie entre les portes mamelles. Bannis la crainte et mort au meurtre. Tu qui tueras, paix entre tous. Et, avec une immense rumeur, tous les assistants se soulèvent. Un fouillis de bras se dresse vers les cieux pâles et, d'une seule voix, tous répètent le refrain solennel. « Tu qui tueras, paix entre tous !» Épuisée, les membres rompus, la chanteuse s'est laissée aller sur le sable. Autour d'elle, tous les corps s'agitent, des mains se serrent, des saluts amicaux s'échangent. Entre ses bras, Arc secoue joyeusement Titule le faune qui lance des ruades. Autour des sirènes allongées sur le sable, Syrix et Pulex s'empressent curieusement. Clévorac, Pyrippe et Gurgundo se jurent une amitié renouvelée. Centaures et faunes, faunes et sirènes, tritons et centaures fraternisent à grand bruit. Mais un gros nuage voile la lune, l'ombre noircit. La brise est plus fraîche. Voici l'heure du sommeil. Gurgundo saisit sa conque et la porte à ses lèvres. Un mugissement sonne le départ. Tritons et sirènes se bousculent sur la grève. Ils atteignent la frange écumeuse des vagues, s'y engloutissent, émergent de nouveau déjà lointains. Encore une fois, leurs voix sonores jettent un adieu. Et puis, ils disparaissent dans la nuit. Les derniers faunes s'enfoncent à la lisière des pins. À pas lents, les centaures regagnent l'abri des grottes rouges. Brusquement, la fatigue s'est abattue sur eux. Leurs membres se meuvent pesamment. leurs yeux se ferment de sommeil. Avec délice, ils pénètrent dans l'antre spacieux qui les abrite des pluies et des vents, et ils se vautrent sur les tas d'herbes et de varechs. Bientôt, le rythme des respirations s'élève, se répercute contre les murailles rocheuses, ronfle plus haut que le soupir infini de la mer. Cadilda, la centauresse blanche, a regagné sa place accoutumée. À cause de l'odeur forte qui s'exhale des corps épars, elle s'étend chaque nuit dans un recoin isolé près de l'entrée. Elle préfère se recouvrir de fourrage et même sentir la morsure du froid plutôt que de reposer avec les autres femelles. Mais ce soir, elle est longue à s'endormir. Trop d'émoi se heurtent en elle au terme d'une telle journée. Toute l'horreur du combat hérisse son poil au souvenir du cri de guerre, des monstres accroupis, de la charge furieuse qui les terrassa. L'âcre odeur du sang emplit ses narines. Elle se souvient de la masse mouvante qu'elle a sentie s'écraser sous ses sabots. Le craquement des os crie à son oreille. Elle revoit ses jambes rougies jusqu'aux genoux. Un peu d'eau salée a-t-il pu laver tant de sang ? Contre cette horreur, elle aurait besoin de se sentir rassurée, protégée, comme quand elle était une centauresse de 2 ans qui ne quittait point les flancs de sa mère. Mais les pluies sont tombées bien des fois depuis qu'on blanchit les os de Padia, dont le lait l'a nourrie. Maintenant, qui câlinera Cadilda la peureuse ? Pourtant, aujourd'hui, quelque chose a doucement flatté son oreille. Papa Cal a eu une parole aussi suave que la mousse matinale trempée de rosée. « C'est pour te revoir que je souffrirai 3 jours. » Plusieurs fois, Cadilda se répète ces mots à voix basse. Ils ont un accent étrange et délicieux. Pourquoi de telles phrases sortent-elles si rarement des rues de Gosier des Centaures ? Il y a besoin de paroles tendres qui caressent comme des hymnes mélodieux. Le chant de Pitina était beau. À sa voix, les morts se réveillent, les contrées lointaines se rapprochent, les choses passées sont là de nouveau. Quand elle l'entendait, Cadilda revivait les jours de son enfance, les longues courses à travers les monts et les bois, la traversée des gorges profondes, toutes les fatigues par lesquelles la tribu a gagné l'abri des roches rouges et le rivage de la mer bavarde. Toutes ces choses étaient mortes en elle depuis longtemps. Elles se sont réveillées à la voix de Pitina, comme l'horreur inexprimable de la race maudite qui souille la terre. Les yeux de Cadilda n'ont point aperçu l'écorché, mais sa seule évocation l'a fait frissonner, et elle bénit la chanteuse de n'avoir pas désigné l'impur sous son nom véritable, symbole de la mort. Parmi les centaures, nul n'oserait nommer l'homme qu'en baissant la voix. Cadilda frissonne encore, mais le sommeil tombe sur elle, éteint sa pensée, détend ses membres. Au-dessus des nuages, la lune a surgi de nouveau et chemine doucement parmi les étoiles pâlissantes. Tour à tour, sur la plage argentée, les vagues éternelles s'avancent, chantent leur chant d'écume et vont se rendormir au sein profond de la mer. Au lointain, rougeoie la montagne fumante. Tout ce qui vit est endormi.